« Mon cousin, dit-elle à l'avocat qui rentrait, vous êtes menacé d'un grand malheur. Lequel ? Votre femme aura, dans quelques jours d'ici, Madame Marneff pour belle-mère. C'est ce que nous verrons, répondit Victorin. Depuis 6 mois, Lisbeth payait exactement une petite pension à son protecteur, le baron Hulot, de qui elle était la protectrice. Elle connaissait le secret de sa demeure, et elle savourait les larmes d'Adeline, à qui, lorsqu'elle la voyait gaie et pleine d'espoir, elle disait, comme on vient de le voir, « Attendez-vous à lire quelque jour le nom de mon pauvre cousin à l'article tribunaux. » En ceci, comme précédemment, elle allait trop loin dans sa vengeance. Elle avait éveillé la prudence de Victorin. Victorin avait résolu d'en finir avec cette épée de Damoclès, incessamment montrée par Lisbeth, et avec le démon femelle à qui sa mère et la famille devaient tant de malheur. Le prince de Wissembourg, qui connaissait la conduite de Madame Marneff, appuyait l'entreprise secrète de l'avocat. Il lui avait promis, comme promet un président du conseil, l'intervention cachée de la police pour éclairer Crevel et pour sauver toute une fortune des griffes de la diabolique courtisane, à laquelle il ne pardonnait ni la mort du maréchal Hulot, ni la ruine totale du conseiller d'État.